Chapitre 2. Elles se laissèrent tomber sur la chaise et examina froidement la scène, comme s'il s'agissait de quelqu'un ou de quelque chose d'inconnu. Elle constata que Morel tenait de sa main droite un pantalon par la taille. Sa chemise relevée laissait voir ses parties honteuses, ce qui offusqua au plus haut point Madeleine, qui rabattit prestement un pan de tissu pour cacher ce triste spectacle. « Mon Dieu, que c'est laid !» dit-elle à haute voix. Elle avait toujours trouvé repoussante l'anatomie masculine, et bien qu'elle ne fût pas très ferrée en la matière, elle avait vite compris que les nus grecs et romains n'étaient que de prudents symboles de ce qu'est en réalité la virilité. Lorsque, dans un salon ou ailleurs, elle remarquait un homme de belle prestance et agréable à regarder, elle finissait toujours par l'imaginer dans la tenue d'Adam, et cela suffisait à la dégoûter du monsieur. Elle s'était vite rendue à l'évidence, elle n'aimait pas les hommes et ne les aimerait jamais, à plus forte raison Morel, gras et plein de poils. On peut alors se demander comment elle avait pu supporter ce mariage, même avec beaucoup de religion. Au début, sa mère l'avait prévenue de ne pas avoir peur, que toutes les femmes passaient par là, et que peu d'entre elles en étaient mortes. Elle vécut donc cela comme une épreuve, ainsi que les femmes supportent la maternité ou que les hommes endurent le service militaire et la guerre. Assez rapidement, elle dut avouer que tout contact était au-dessus de ses forces. Morel en fut rempli de rancœur, et l'on comprend mieux ses fredaines extra-conjugales. Pourtant, personne ne le plaignait, car on ne pouvait imaginer qu'une aussi charmante femme n'aimât pas l'amour. Pour l'opinion, c'était donc lui le fautif et non pas elle. Malgré tout, puisqu'un modus vivendi avait été trouvé, pour l'un comme pour l'autre, il était hors de question de divorcer, le consentement mutuel ayant été aboli en 1816, toute procédure aurait été longue, coûteuse et contraire aux intérêts du négoce. « Mais qu'est-ce qu'il s'est fait là ?» se demanda Madeleine. « D'où provient cette blessure, qui apparemment a dû causer sa mort ?» Le pantalon tenu d'une seule main l'a mis sur la voie. Combien de fois lui avait-elle dit de s'asseoir pour enfiler son caleçon ou son pantalon au lieu de sautiller bêtement à la recherche de l'équilibre ?« Un de ces jours, mon mari, vous vous casserez la tête !» lui répétait-elle. « Eh bien voilà, c'était arrivé. » Pourtant, une telle blessure à la tête n'avait pu se faire en heurtant le sol. Au pire, Morel aurait récolté un splendide hématome. « Non, » pensa-t-elle. Dans sa chute, il a dû rencontrer un objet contendant. À la recherche de preuves pour valider son hypothèse, Madeleine finit par remarquer près de la cuisinière à charbon une tache brune sur l'angle de fer de la paillasse carrelée et une traînée de sang sur les carreaux blancs. La tête du mort se trouvait juste au pied de cet angle. « Voilà donc le fautif, » se dit-elle. « Il a vécu comme un cochon et il est mort comme un âne, » laissa tomber Madeleine, assez contente de cette amusante formule. Néanmoins, elle n'éprouvait aucune réelle satisfaction de cette disparition. Sa solide éducation religieuse le lui interdisait. « Bon, » se dit-elle, « il va falloir que je fasse quelque chose. » Elle se leva et se servit un grand verre d'eau. Puis elle décida d'aller chercher du secours, non que le mort en eût besoin, mais seulement pour faire savoir la nouvelle et obtenir de l'aide. Il était en effet hors de question qu'elle charriât cette masse jusque dans la chambre, à l'autre bout de l'appartement. Elle prit sa pochette, et après avoir soigneusement fermé la porte, s'en alla tête nue, comme à son habitude, à l'hôtel de ville tout proche. Dans la cour de la mairie, elle croisa justement le commissaire de police auquel on l'avait présenté quelques jours plus tôt. Au sourire dont il la gratifia, il était évident qu'il était charmé de la rencontrer. « Quel bon vent vous amène ? » lança-t-il banalement. « Mon époux est décédé, » répondit-elle d'un ton neutre. « Il s'agit d'un accident. Il s'est brisé le crâne en tombant dans la cuisine. « J'en suis désolé, madame Morel. Êtes-vous bien sûr qu'il est mort ?»« Malheureusement oui, monsieur le commissaire. Ce serait gentil de votre part de venir confirmer les causes de l'accident. Je dois aussi obtenir le certificat de décès du médecin. » Alfred Gauthier, le tout nouveau maire d'Aix, traversa la cour d'un pas affairé et vint à la rencontre du commissaire. « Commissaire, présentez-moi cette charmante personne » demanda-t-il avec son plus beau sourire. Madeleine rejeta sa chevelure en arrière et fixa le maire droit dans les yeux. Elle trouva dans le regard de l'édile l'effet escompté. Le commissaire, plein de zèle, expliqua la situation pendant que le maire dévorait Madeleine des yeux. « Ma pauvre dame !» s'exclama-t-il d'un ton mari. « Je connaissais bien votre époux. Ah, c'était un bon vivant. Quel accident stupide. Désireux d'asseoir sa notoriété, le maire recommanda au commissaire de s'occuper de ce cas tout affaire cessante et de faciliter au maximum toutes les formalités que nécessitait ce décès. « C'est déjà suffisamment pénible pour cette dame, » se justifia-t-il. « Tenez-moi au courant. Veuillez m'excuser, je suis attendu. » Et il prit congé en baisant la main de Madeleine avec un regard appuyé. « Retournez chez vous, Madame Morel. J'arrive tout de suite avec le docteur et le sergent de ville, » dit le commissaire. De retour chez elle, le remugle la prit cette fois à la gorge, peut-être parce qu'elle connaissait désormais son origine, et elle ne se sentit pas la force de retourner dans la cuisine. Se sentant peu faible, elle sortit du buffet un sucrier et croqua quelques morceaux comme une enfant gourmande. Puis elle se laissa tomber sur le canapé du salon après avoir ouvert toutes grandes les fenêtres de la pièce. « de l'air !» s'exclama-t-elle. « J'étouffe !» Puis, quelques secondes plus tard, « ça fait 15 ans que j'étouffe, nom de nom !» Ses parents l'avaient mariée dès sa sortie de chez les bonnes sœurs, tant était grande la crainte qu'elle fît Pâques avant les rameaux. Pourtant, bien que belle à croquer, la pauvre enfant aurait été bien en peine de perpétrer ce forfait. Il aurait fallu pour cela des fréquentations, des sorties, des amis délurés, toutes choses qui lui étaient inconnues. Antoine Morel n'était pas beau, certes, mais il appartenait à la vieille bourgeoisie aixoise des boutiquiers. En tant que tel, sa fortune, amassée sereinement par la famille au cours des ans, représentait un beau paquet, tant en rente qu'en biens immobiliers. Si bien que, quoi qu'il fît ou ne fît pas, ses rentes tombaient régulièrement avec un coussin capable d'amortir bien des écarts. Les parents de Madeleine avaient préféré ce parti à bien d'autres, certes plus prestigieux, mais financièrement beaucoup moins assis. « Tu verras, » lui disait son père, « dans quelques années, tu nous remercieras. » Le père de Madeleine, médecin de son état, avait-il parié sur la longévité de son futur gendre qui croquait la vie par les deux bouts? N'ayant pas d'héritier et marié sous le régime de la communauté, Antoine laissait donc à son épouse presque toute la fortune des Morel. Madeleine disait donc manquer d'air depuis 15 ans, mais, à cette heure, beaucoup de femmes auraient envié sa place.